Chapitre 3e. Au dégoût de cette existence vide et monotone qu'il traînait misérablement, étaient venus se joindre des ennuis d'une autre sorte, ceux que ses fils lui avaient causés. En quittant le pensionnat de l'abbé Quentin, Frédéric était entré au séminaire d'Albi et Sébastien, qui avait échoué à son examen du baccalauréat, avait été placé par Mademoiselle de Puylaurens sous la direction d'un professeur particulier qui devait le chauffer. Cela ne s'était pas fait sans difficulté. Frédéric ne voulait pas entrer au séminaire. Il n'y avait aucune vocation pour la prêtrise. Albi ne lui convenait pas. De son côté, Sébastien ne voulait pas de professeur particulier. Il n'en avait pas besoin. Il travaillerait mieux tout seul. Qu'on le fît attacher d'abord au ministère des Affaires étrangères, les diplômes viendraient ensuite. Mais M. de Mussidan n'avait pas toléré ses idées de résistance. Il était intervenu, et vigoureusement, comme son devoir de père l'y obligeait. À Sébastien, il avait fait comprendre que lorsqu'on a été cancre pendant ses premières années d'études, on doit, coûte que coûte, réparer le temps perdu. Ce n'était pas par la petite porte qu'il devait entrer au ministère des Affaires étrangères, mais par la grande. Et puis, un précepteur, cela pose bien un jeune homme aux yeux du monde, et en réalité, cela ne gêne en rien. Avec Frédéric, c'étaient les arguments du même genre qu'il avait employés. Pas de vocation pour la prêtrise, qu'est-ce que cela signifiait? Était-il assez simple pour croire qu'un prêtre est privé des satisfactions mondaines? Il les a toutes, au contraire, quand il les désire, et plus facilement que personne. Et puis, quelle plus belle carrière pour l'ambition! Il serait évêque, cardinal, pape, peut-être, pourquoi pas? À la vérité, on ne prenait plus les papes parmi les Français, mais quand on trouverait dans le sacré collège un Mussidan, cela pourrait très bien changer la routine. Il avait alors éprouvé de ce côté un moment de tranquillité, et même avec Sébastien une certaine satisfaction. Grâce à la générosité de Mademoiselle de Puylaurens et à l'intelligence de Buvat qu'elle avait envoyé à Paris, ne pouvant pas elle-même entreprendre ce voyage, Sébastien avait été très convenablement installé dans un petit appartement de la rue de Lille, et en revenant de sa promenade, M. de Mussidan prenait plaisir à lui faire une courte visite. Ils étaient très bons, les fauteuils de Sébastien. Ses cigares aussi étaient excellents et assez abondants pour qu'on en pût mettre quelques-uns dans sa poche sans que cet emprunt à la provision fût trop sensible. Et puis, il recevait quelques camarades, des jeunes gens, des anciens ou des nouveaux amis, et M. de Mussidan s'était toujours plus dans la compagnie des jeunes. Cela le retrempait, le tenait au courant. Mais cette satisfaction n'avait pas eu une bien longue durée. Un jour, Cédou lui avait écrit qu'on racontait des choses terribles sur le compte de Frédéric, qui s'était sauvé du séminaire d'Albi sans qu'on sût au juste ce qu'il était devenu. Si ce qu'on disait était vrai, il avait été enlevé par une chanteuse de café-concert et il parcourait le midi en sa compagnie, elle chantant, lui jouant à tous les jeux de hasard, dans les cafés et dans les cercles, où il se faisait admettre en se servant de son nom. C'était ainsi qu'on l'avait vu à Agen, à Montauban, à Toulouse, à Sète, à Amélie-les-Bains, à Montpellier, à Nîmes, à Marseille, à Toulon. Maintenant, on croyait qu'il était en quelqu'une des villes d'hôtes du littoral, hier, Cannes, Nice, Menton. Le fidèle Buvat s'était mis à sa poursuite, muni d'une grosse somme pour le tirer des mains de son enjôleuse. Mais jusqu'à ce jour, elle n'avait pas pu le rejoindre. Aussi, Mademoiselle de Puylaurens était-elle dans un violent état de désespoir. Elle avait bâti tant d'espérance sur ce garçon. Cependant, elle ne disait rien, elle ne se plaignait pas de lui, et même, elle dissimulait l'aggravation de son état pour qu'on ne pût pas en soupçonner la cause. Elle espérait cacher cette escapade et réintégrer son petit-neveu au séminaire quand Buvat l'aurait rejoint. Ce n'avait point été au séminaire d'Albi que Frédéric avait été réintégré, mais à celui de Saint-Nicolas à Paris, où sa fugue était ignorée. Et ça avait été à Saint-Nicolas que M. de Mussidan avait été le tancé d'importance. « Ne peux-tu pas attendre, coquin ? Tu seras ton maître en sortant du séminaire. Jusque-là, tiens-toi. » Mais ce discours paternel n'avait produit aucun effet. Frédéric ne s'était pas tenu, et il s'était sauvé de Saint-Nicolas comme il s'était sauvé d'Albi. De nouveau, Buvat, muni de billets de banque et de chèques, s'était mis à sa poursuite en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, partout où l'on joue, non pour le ramener au séminaire. Mademoiselle de Puylaurens était trop sincèrement pieuse pour vouloir faire prêtre un garçon de ce caractère, mais pour payer ses dettes et le tirer des situations honteuses ou misérables dans lesquelles il se trouvait. En même temps que Frédéric perdait l'argent de sa tante au jeu, Sébastien le dépensait avec des maîtresses et en chevaux, en voitures, en objets de luxe de toutes sortes. Lui aussi comptait sur l'héritage de la tante de Cordes, lui aussi avait arrangé les dates où il devait entrer en possession de sa fortune, et à l'échéance de ces dates, il s'était trouvé lourdement endetté. Une première fois, Buvat était venu régler ses grosses dettes, puis une seconde, puis une troisième, puis une quatrième, la somme qu'il devait apporter augmentant à chaque voyage. Il était ainsi arrivé une heure où Sébastien n'avait rien dû à son frère et où Frédéric n'avait rien dû à Sébastien. Tous deux étaient égaux devant le désespoir de leur tante, qui, lasse de payer et d'engloutir des sommes considérables qui ne servaient à rien, avait pris à leur égard les mêmes mesures qu'à l'égard de leur père, c'est-à-dire que Maître Le Genet de la Crochardière avait été chargé de leur payer, de 15 jours en 15 jours, une petite pension, juste ce qu'il fallait pour qu'ils ne mourussent pas de faim et pour qu'ils fussent obligés de la compléter par un gain dû à leur travail, 100 francs par mois. En voyant quelle route prenaient ses fils, M. de Mussidan avait cru que Mademoiselle de Puylaurens, qui les aimait si tendrement, mourait de chagrin. À l'âge qu'elle avait atteint, faible comme elle l'était, enfiévrée par la colère, désespérée par les déceptions, ulcérée par la perte de son argent, il semblait qu'elle devait mourir. Cela était naturel, cela semblait obligé. Et pour lui, c'était une consolation aux déceptions que ses fils lui causaient. Sans doute, il n'était pas sottement sévère. Il comprenait que des jeunes gens devaient s'amuser, mais pas jusqu'à compromettre leur avenir. Ses fils devaient être ambassadeurs et évêques, il avait arrangé cela. Mon fils l'ambassadeur, mon fils l'évêque, cela le complétait, et il ne pouvait pas s'habituer à l'idée qu'il en fût autrement. Cependant, Mademoiselle de Puylaurens n'était pas morte. Cédoux avait raconté les crises par lesquelles elle avait passé. Tout le monde croyait qu'elle n'en avait plus que pour quelques jours, quelques heures. Le médecin ne la quittait plus, le curé l'avait administrée, et toujours, elle était revenue à la vie. Les premières fois, M. de Mussidan n'avait rien compris à cette résistance extraordinaire. Peu à peu, la lumière s'était faite dans son esprit. Cette vieille fille n'avait pas de cœur, ni fierté, ni dignité, ni rien. Est-ce que, si elle avait eu du cœur, elle n'aurait pas été écrasée sous sa responsabilité? Est-ce que, si elle avait été vraiment pieuse, elle n'aurait pas senti la main de Dieu s'apesantir sur elle? À qui la faute dans ce qui arrivait? À elle seule. Est-ce que, si elle n'avait pas gâté ses enfants follement, bêtement, est-ce que si, par ses dons maladroits d'argent, elle ne les avait pas pervertis, ce qui arrivait se serait produit jamais? Élevés par lui, ils auraient reçu une éducation virile. Près de lui, ils auraient puisé des leçons pratiques et ils seraient devenus des hommes. Quelle douleur pour un père de voir la chute de ses malheureux enfants. Comme il y avait loin de la réalité, à l'avenir qu'il avait voulu, qu'il avait préparé pour eux, l'ambassade pour Sébastien, l'évêché pour Frédéric. Ce n'était pas avec la misérable pension que leur servait cette coquine qu'ils pouvaient vivre, et dans la position où ils se trouvaient, ils n'avaient rien pu pour eux. À l'ambassade, à l'évêché, il les eût poussés, s'employant pour eux de tout cœur. Mais pour les positions subalternes auxquelles leur chute les condamnait, il n'avait pas pu les appuyer et à son grand chagrin, il avait dû les abandonner. C'était ainsi que Sébastien, toujours élégant, plein de distinction, noble des pieds à la tête, malgré sa dégringolade, avait dû entrer comme employé chez Faugerolles, le couturier, l'habilleur du grand monde parisien. Pas même introducteur des ambassadeurs, mais simplement introducteur des belles mondaines auprès du célèbre Fougerolles, qui avait la lâcheté de l'appeler mon cher vicomte et la bassesse de ne payer cette familiarité que 150 francs par mois. Pour cette misérable somme, Sébastien devait se tenir dans le premier salon de son couturier et recevoir, avec ses grandes manières, chaque femme qui arrivait pour commander ou essayer ses robes, la faire patienter, la calmer quand elle se fâchait. Quelle vie, mon Dieu! De son côté, Frédéric n'était pas plus heureux. Comme son frère, il avait dû demander au travail de compléter ses 100 francs de pension, et il était entré comme croupier au service d'un entrepreneur de cercle qui donnait à jouer l'été dans les Pyrénées, l'hiver à Nice, un ancien lutteur célèbre en sa jeunesse dans toutes les arènes du Midi, Barthelas, Marius Barthelas de Cavaillon, qui se contentait de faire tomber maintenant dans sa cagnotte l'argent des joueurs naïfs. Fier aussi, celui-là, d'avoir un vicomte à son service, bien que son ambition fût d'avoir pour chef de parti un ancien ministre. Et j'en aurai un, disait-il. Le cercle des étrangers a bien un ancien ambassadeur. J'aurai mon ministre en y mettant le prix. Il n'y aura pas besoin de tenir les cartes. Pourvu qu'il se promène noblement dans mes maisons, cela suffira. Est-ce que c'est M qui a été ambassadeur à Madrid? Justement.